Fabrice trouva sa mère et une de ses sœurs à Belgirate, gros village piémontais, sur la rive droite du lac Majeur. Ce lac, parallèle au lac de Côme et qui court aussi du nord au midi, est situé à une vingtaine de lieues plus au couchant. L'air des montagnes, l'aspect majestueux et tranquille de ce lac superbe, qui lui rappelait celui près duquel il avait passé son enfance, tout contribua à changer en douce mélancolie le chagrin de Fabrice, voisin de la colère. La marquise del Dongo, pressée par les noces de sa fille aînée, qu'elle mariait à un duc milanais, ne put donner que 3 jours à son fils bien-aimé. Jamais elle n'avait trouvé en lui une si tendre amitié. Au milieu de la mélancolie qui s'emparait de plus en plus de l'âme de Fabrice, une idée bizarre et même ridicule s'était présentée et tout à coup s'était fait suivre. Oserons-nous dire qu'il voulait consulter l'abbé Blanès? Cet excellent vieillard était parfaitement incapable de comprendre les chagrins d'un cœur tiraillé par des passions puériles et presque égales en force. D'ailleurs, il lui fallut 8 jours pour lui faire entrevoir seulement tous les intérêts que Fabrice devait ménager à Parme. Mais, en songeant à le consulter, Fabrice retrouvait la fraîcheur de ses sensations de 16 ans. Le croira-t-on? Ce n'était pas simplement comme sage, comme ami parfaitement dévoué, que Fabrice voulait lui parler. Donc, Fabrice reconduisit sa mère jusqu'au port de l'Aveno, rive gauche du lac Majeur, rive autrichienne, où elle descendit vers les 8 heures du soir. Mais à peine la nuit fut-elle venue qu'il se fit débarquer sur cette même rive autrichienne au milieu d'un petit bois qui avance dans les flots. À un quart d'heure de Côme, il prit un sentier qui, contournant le bourg de Vico, se réunit ensuite à un petit chemin récemment établi sur l'extrême bord du lac. Il était minuit et Fabrice pouvait espérer de ne rencontrer aucun gendarme. Les arbres des bouquets de bois dessinaient le noir contour de leur feuillage sur un ciel étoilé, mais voilé par une brume légère. Les eaux et le ciel étaient d'une tranquillité profonde. L'âme de Fabrice ne put résister à cette beauté sublime. Il s'arrêta, puis s'assit sur un rocher qui s'avançait dans le lac, formant comme un petit promontoire. Le silence universel n'était troublé, à intervalles inégaux, que par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. Assis sur son rocher isolé, n'ayant plus à se tenir en garde contre les agents de la police, protégé par la nuit profonde et le vaste silence, de douces larmes mouillèrent ses yeux, et il trouva là, à peu de frais, les moments les plus heureux qu'il eût goûtés depuis longtemps. Il résolut de ne jamais dire de mensonge à la duchesse, et c'est parce qu'il l'aimait à l'adoration en ce moment qu'il jura de ne jamais lui dire qu'il l'aimait. Jamais il ne prononcerait auprès d'elle le mot d'amour, puisque la passion, que l'on appelle ainsi, était étrangère à son cœur. Dans l'enthousiasme de générosité et de vertu qui faisait sa félicité en ce moment, il prit la résolution de tout lui dire à la première occasion. Son cœur n'avait jamais connu l'amour. Une fois ce parti courageux bien adopté, il se sentit comme délivré d'un poids énorme. Elle me dira peut-être quelques mots sur Mariette. Eh bien, je ne reverrai jamais la petite Mariette, se répondit-il à lui-même avec gaieté. La chaleur accablante qui avait régné pendant la journée commençait à être tempérée par la brise du matin. Déjà, l'aube dessinait par une faible lueur blanche les pics des Alpes qui s'élèvent au nord et à l'orient du lac de Côme. Leur masse, blanchie par les neiges, même au mois de juin, se dessine sur l'azur clair d'un ciel toujours pur à ces hauteurs immenses. Une branche des Alpes, s'avançant au midi vers le Res Italie, sépare les versants du lac de Côme de ceux du lac de Garde. Fabrice suivait de l'œil toutes les branches de ces montagnes sublimes. L'aube, en s'éclaircissant, venait marquer les vallées qui les séparent, en éclairant la brume légère qui s'élevait du fond des gorges. Après cette rêverie sur la nature, Fabrice arrive chez l'abbé Blanès, qui ouvrit les bras à notre héros, qui s'y précipita en fondant en larmes. Le curé prédit alors au héros qu'il connaîtra une autre prison que celle de Waterloo, bien autrement dure, bien plus terrible, lui annonçant: ta vie sera très heureuse aux yeux des hommes, et raisonnablement heureuse aux yeux du sage.